Merci, madame. Alors, êtes-vous prêt en ce beau 28 août? C'est la meilleure émission là, de l'année. Ah oui, moi, je me suis placé là, un horaire devant mes yeux, un calendrier. Je me suis dit, hey, le 28 août, là, on va faire et on va offrir au public CKRLien, CKRLienne, errante, l'émission qu'il ne faut pas manquer. Donc, quand je vous dis qu'il ne faut pas manquer, là, même pas un soupir, même pas une virgule, encore moins un point. Puis là, ben, celui qui sera final, ben, ce sera déjà trop tard. Alors, je commence avec quelques textes que j'ai rédigés il y a quelques années. Cette nuit, la douche coule. Coule. Ah, moi, je coule. Ah oui, oui, je coule de bourse. Pas de source. Alors, on va commencer en haut plutôt. Couche-toi et rêve. Un autre texte. Ton renouveau te frotte le cerveau. Un autre texte. Classer l'affaire sans se faire juger par un colis prioritaire. Hein, on se croirait la nuit de la poésie dans les années 60. La première nuit de la poésie en 70. Là. Cette nuit, la douche coule et perle sur cette frêle impression. Une dernière. Je t'y frotte le nez pour mieux écarter les odeurs. Oh! Avant-dernière. Nous demeurons des passagers dans ce mouvement vital. Aujourd'hui, le lundi 28 août 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon ami! Oui! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Oui, Raymond, oui. Oui, j'ai appelé le beau-frère. Ah, ben, oh, mon... Ben, voyons donc. Il a jeté sa recette du maïs soufflé en crème. Ah, oh, je sais pas comment. Des fois, là, cet homme-là, là, il est surprenant d'idiotie. Ah, oh, il avait la recette gagnante. On aurait pu mondialiser cette merveilleuse... Ah, c'était tellement bon, ça fondait sous le dentier. Ah, oh, j'en ai cassé quatre. Dentier. Prothèse dentaire amovible, si tu préfères. Non, moi, j'ai pas d'implant. Aucun implant. Ni dans la bouche, ni sur la poitrine. Je suis authentique. Tic, tic, tic. Moi, écoutez, eh bien, écoute-moi bien. J'ai demandé à Juliette Pomerleau, la fille à Ginette. Mais là, la petite Ginette, elle va pas bien. Hein? Ah non, non, non, non, non. Elle a fait, ah oui, elle a fait beaucoup. Il y a beaucoup de difficultés. Ah oui, ah oui. À la lecture, à l'écriture. Et, ben oui, même à 43 ans. Elle veut écrire son premier livre d'amour. Mais son mari, hein, mais lui, il est plus idiot que ça, là, je sais pas. Là, non, il a pas eu de chance. Quand l'intelligence est passée, lui, il était parti. Ouais, ouais, ouais. Mais il a demandé, il lui a dit, hein, comme je te vois là. Comme je te vois, oui, oui. Ben, je te vois pas, là, mais je m'imagine que je te vois. Me vois-tu, toi? Ah non plus, hein? Oui. Là, attends un peu. Parce que ce qui me dérange, c'est que le son est un peu fort. Ça déchire, comme on dit dans le milieu. Puis si je descends un peu, là, ça va. On va croire que je suis dans un fond de. Ah, OK, ça va, OK. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait dire, l'insignifiant? Ah ouais, c'est ça. Hey, lui, son mari, sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Avant d'écrire des histoires d'amour, il faut en vivre. Puis son mari depuis 42 ans. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur de l'écrivaine. Bon, oui, là, elle s'est dit, non, moi, je vais faire de l'horreur. Au lieu de parler de la vie amoureuse, là, elle aime bien les Arlequins. Ah, oh, elle les a toutes lues. Sais-tu comment il y a de livres d'Arlequins? C'est une série, ça, cette affaire-là, là, hein? C'est comme des lapins, ça se reproduit facilement. Deux petits coups, deux petits jets ouais, deux petits jets d'angle, puis ah ouais, donc, le roman est lancé. C'est pas compliqué, hein? Tu changes le nom de l'héroïne et de l'héros. Et du héros, hein, de l'héros. C'est pas vente libre, ça, l'héros. Ah, non, non, non. Les héros, comme disait Diane, les héros sont fatigants. Et plus il y en a, puis plus ça nous coûte cher. En les faisant des héros. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Juste un, c'est assez. Un héros. Et puis, un euro, non, ça, c'est en France, ça, celui-là. Ben, pas juste en France, l'euro. Le seul endroit où ça fonctionne pas, c'est en Suisse. Toujours en France. La Suisse, il dit, moi, là, j'embarque pas là-dedans. Oh, non, l'armée non plus, j'embarque pas là-dedans. L'Union européenne, j'embarque pas là-dedans. Mais c'est pas fou, hein? Non, non, non, non, non. Parce que le blanchiment, il y a un prêt payé. Et puis, qu'est-ce qu'il disait? Ah, le blanchiment, non, je parlais du film Arlequin, les livres Arlequin. Il n'y a jamais de film Arlequin. On appelle ça des films à l'eau de rose. Moi, je préfère les films qui sentent pas la rose. Ah, oh, tu sais, pas d'habits. Pourquoi quand je pense qu'il y a comment ils appellent les gens? Les habilleuses. Il y a des habilleuses, là, qui au cinéma, là, ou les couturières. Pas besoin de ça. Tout le monde, ben, voyons, donc, on est né comme ça. Pourquoi ça, c'est juste moi qui. Ben, juste moi, c'est ma bouche aussi, là. Je suis pas tout seul. Non, je n'ai jamais été toute seule là-dedans. Toi, comment ça va? tes crotons à l'orange, ça n'a pas fait un... Oh non, non, ça fonctionne pas, les crotons à l'orange, hein? Parce que tu dis de boire du lait avec ça, mais c'est pas très bon, hein? Orange et lait, là... Je parle pas de ton mari. Lait... Non, pas L-A-I-T. L-A-I-D. Quelle idée de dire L-A-I-D, hein? Oh non, non, mais tout le monde sait qu'il est pas regardable. Il n'est pas écoutable non plus, lui. Quelle voix, hein? C'est... Il y a comme celui de... Comment il s'appelait, le poète? Pas le poète, mais... Le romancier, là, qui avait le voix comme ça, là, puis mais à la française, tu sais, avec l'accent, puis la baguette dans le fond de la gorge. Ah oui, ah oui. Tom White, lui, il a Cendrier dans le fond de la gorge, le français, lui, il a la baguette dans le fond de la gorge. Mais ce que je veux dire depuis le début, c'est qu'on choisit pas ce qu'on a dans le fond de la gorge. On l'a, puis on l'a. Ouais. Il y en a qui ont des chats. La porter en même temps, tu sais, ça veut pas partir, là. Moi, c'est après manger, là. Quand j'ai pris un bon repas, même quand il est pas bon, on dirait que j'ai quelque chose qui est coincé entre la garlotte et puis l'intelligence frontale. Mais moi, j'ai l'intelligence frontale derrière la tête. Ah, ça n'a pas de bon... Non, non, ça n'a ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Puis là, essaye pas de trouver la queue à travers la tête. La tête est là-haut. C'est comme l'arbre est dans ses feuilles. Malilon, malilé. Ma oui. Hey, le mois d'août. Ah, c'est un mois bizarre, le mois d'août, hein? Ben, tous les mois, ça dépend des personnes puis de la vision que tu as de la vie, là. Puis même des mois, puis des jours, puis des années. Il y a des voyants, tu sais, des médiums extra-larges qui te disent comme ça, « Oh, moi, je te prédis qu'en 1900, 2000... » En 1900, c'est déjà passé. C'est facile de prédire quand c'est passé. Très facile. Moi, je me suis lancé là-dedans, mais je n'ai pas fait une maudite scène. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est de la prévision, là. C'est... Non, non, c'est de l'analepse. C'est en arrière de nous. Comme un chat qui court après sa queue. C'est en arrière de lui, mais il s'en balance, il tourne, on l'appelle la toupie, il tourne, c'est comme la... Oui, quand je lave mon linge en famille, mon linge sale en famille, je mets ça dans la laveuse, et ma laveuse tourne. Quand ma belle-sœur est enceinte, elle se plaçait le popotin sur la laveuse et quand ça brassait, ça faisait du bien à son ventre. Parce que le petit, sans doute, c'est le fêteux, là. Parce qu'il il était très fort sur la fête. Là. Ah, le fêteux. Bon, on dit le fœtus, mais dans son cas, c'était le fêteux. Ah, quand il est né, il y a le scotch dans les mains, le bouchon dans l'autre, puis le condom au bout du pied en disant hey, « il parlait de la naissance. Là. Ah, man. Il est devenu humoriste. On l'a envoyé en Belgique. Ah ouais, parce que l'humour belge puis l'humour québécois, ça s'embrasse, ça se lâche pas la langue. Ah non, non, la langue de universelle, la langue que l'on aime bien entendre, la langue qu'on aime bien s'étendre aussi. Autant qu'on s'étend sur le sujet, on peut s'étendre la langue puis attendre que le mot arrive, que la phrase et puis que la ponctuation nous cloue. Non, pas la... Non, mais toujours la langue. Nous cloue la langue. Puis là, on dit, « Non, non, t'as peu, toi. Ne fais pas ta langue dans le vinaigre. » C'est hein, l'expression, la langue dans le vinaigre. Ça n'en est pas une, mais ça en vient à partir du maintenant. On est le 28. À partir du 28 août 2023, on vient de trouver une nouvelle... c'est une phrase lancée comme ça, là. « Je n'ai pas la langue dans le vinaigre. » Ça veut dire qu'elle reste pas là, plantée de même, là, devant un bocal, et puis les gens la regardent pas, puis la tournent pas. Ah, ouais, comment ça coûte cette langue-là, là? Est-ce qu'elle est de chez nous, là? Ah, bon, est-ce que c'est la langue de chez nous? Et on la brosse, on attend l'accent, il n'y a pas d'accent, tu sais, la langue, elle brosse dans le micro, tu sais, elle dit rien. Ben non, parce qu'elle est séparée de la tête. Ce qui donne la... Oui, ce qui donne le langage, c'est la tête. Dans si tu regardes une tête, il y a aussi un peu de matière grise, mais pas grise, mais en tout cas, l'intelligence. On appelle ça de l'intelligence. Inconscient, pas subconscient. Lâche-moi le subconscient, ça n'existe pas, le subconscient. Ça, c'est les vieux qui parlent de subconscient. Aujourd'hui, on appelle ça l'inconscient, qui a été amené par Georgette. Ah, mon Dieu, elle avait oublié, lui. Elle avait oublié. Ouais. Pas dans son réfrigérateur pendant deux semaines, puis elle l'a vendu, puis la voisine l'a ramené, bon. Elle n'a pas pris un peu, elle aurait dû voir ses enfants. Là. Oh mon Dieu, il en manque là-dedans. Hein? On parle toujours de matière grise. Là, il n'y en a pas de matière grise dans cette famille-là. Ah! Non, non, mais ça fait peur à dire, hein? Ils ont le droit de voter, je le dis souvent, mais hey, le droit de vote, là, ça devrait être un privilège. Autant que de conduire une voiture puis d'avoir des enfants, c'est un privilège, cela, là. Mais non, tout le monde fait ça n'importe comment. Ouais, non, ça arrive, oh, pas grave, on va t'avoir un chèque. Ça va-tu passer aux douanes? Puis, oh mon Dieu, hein, au pire, on va l'envoyer par la. Même non, c'est pas un avion qui envoie des enfants. Depuis le temps, tes causes de rentrée canadienne, c'est qui renvoie les enfants? C'est le chèque. Mais non, c'est pas le chèque, c'est la. La vie. Ouais, c'est la vie, mais la chou! Non, non, c'est la cigogne. La cigogne renvoie l'enfant. Bien, elle l'amène aussi, mais elle l'envoie. C'est comme la mer, hein? Les vagues s'enwayent, se renwayent, se déwayent, away, viens-t'en. Je te vois pas, l'oiseau. Mon oiseau, mon âme, mon oiseau, mon cœur. Ah, tu m'énerves. Tu pensais que j'allais dire autre chose, hein? Quoique c'est pas. Non, non, c'est pas une vulgarité. Écœuré, être écœuré de quelque chose. Moi, j'étais écœuré de manger du yogourt nature sans rajouter de la confiture de fraises dedans. Ou encore mieux, du sirop d'érable. Ah, du sirop d'érable. Parce que non, c'est moins punitif. Tu dis, tu manges quelque chose de sain pour la santé, qui est du yaourt, et tu rajoutes quelque chose aussi qui est sain, qui n'a même pas été modifié, qui est du sirop d'érable. Mais sirop d'érable, c'est sucré. Le sucre, c'est pas toujours bon. Il y a le bon sucre puis le mauvais sucre, comme il y a du bon monde puis du mauvais monde. Mais comment tu peux savoir si c'est du bon sucre ou du mauvais sucre? Je peux te le dire comment. Ah oui, non, j'ai pas eu de cours là-dedans. Ah non, moi, j'ai eu des cours sur plein de choses, mais pas dedans. Je me tiens jamais dedans, moi. Je regarde. T'sais, c'est comme quand tu meurs, là, on dit que l'homme, hein, se défait. Comme mon steak. Pour savoir, là, si mon. Non, ça dépend de la cuisson. Pour pas trop cuire, là, quand ça se sépare tout seul, c'est ça. C'est comme le corps avec l'esprit. Si ça se sépare, c'est prêt. T'es parti, mais tu peux revenir aussi. C'est toi qui décides. S'il n'y a pas du monde autour de toi, là, qui sont déjà en haut, puis qui te regardent, puis tu dis, ah, hey, je suis bien content de te voir, toi, là. Ah, mon Dieu, ouais, il y a 3 semaines, tu as passé un cheveu. Mais là, le cheveu, hein, a cassé, puis te revoilà. Mais je pense que tu n'es pas prête. Ah, non, parce que là, tu as encore tes petits-enfants à découvrir. Tu sais que tu n'en as pas, mais nous autres, on a une vue globale de ta vie. Puis tu dois nous arriver dans 27 ans et demi. Moi, te le dire, tu veux savoir à quel moment tu vas mourir? Oui, oui, mais là, t'es en arrêt respiratoire, mais ça va revenir. Fais-toi-en pas. On a l'équipe pour ça. Nous autres, tu sais, on nous appelle pas les anges pour rien, là. Ah! Puis les méchants, là, hein? Eux autres, là, sont au coin, puis attendent. Eux autres, c'est des vidanges. Puis attendent que les boueurs viennent les brosser un peu, puis savoir de quelle senteur il s'agit. Puis là, on est dans quelque chose un peu de mythique, tic, tic, des estiques, pathétique, pathétique, c'est pathétique, la vie, c'est pathétique, la mort, c'est pathétique, l'existence, quand tu réfléchis à ça, quel pathétisme. Ouais, pâté, ils font des bons films, pâté, mais ça existe encore, là, la production pâté, pâté, tu sais, c'est le coq, le pâté, oui, c'était patent avec pâté, pâté, patou, pâté. Nicolas Patou, le connais-tu? Ah, c'est un chanteur, Nicolas Patou. Ah, depuis qu'il a eu un enfant, là, il en fait encore du spectacle, tu sais, mais il est comme tous les parents, il est rivé son petit, puis c'est lui le meilleur, hein? Il le petit homme, mon Dieu, il a découvert, hein, la fourmi, puis la fourmi n'était pas synthétique, elle était atomique, et puis. Ah, d'Auteuil, la rue d'Auteuil, fourmi atomique, à côté du d'Auteuil. Avez-vous des références, non? Si vous n'êtes pas de Québec, vous ne comprenez rien. Puis même si vous êtes de Québec, mais vous n'avez pas vécu ça, ça ne vous dit rien non plus. Bon, on s'arrête un peu. On respire par la cigogne et on laisse envoler la musique. Ça finit de même, hein? C'est du Frank Zappa. Et puis, le titre, là, attendez, êtes-vous prêts à entendre le titre? Parce que moi, mon anglais, là, oh, monsieur de monsieur l'anglais, mon anglais. Oh! Mon anglaise, ben, c'est Jane Birkin. Bonsoir, c'est Jane. Bonsoir. Mon imitation de Jane, OK, êtes-vous prêts? OK? On va faire comme la publicité de CKRS. Je sais pas si vous étiez à l'écoute dans les années 80. Moi, j'étais là quand, là? Alors, moi, j'ai toujours été là. Mais à la radio, au micro, j'ai fait mon premier micro à 17 ans. Avec citron et limonade le vendredi. Ah, bon. Et puis, attends un petit peu. Je me mets dans... Il faut que je me place dans... dans le milieu, on appelle ça se mettre dans le bain. Mais moi, j'ai juste une douche, fait que je suis obligé de me placer dans, hein, avec les jets, puis tout ça, puis là, ça fouette, puis tout, ça perle de partout. Ça perle de partout, madame, ah oui. Et puis on y va. Bonsoir, c'est Jane. OK. Frank Zappa. Oui, c'est Jane. Oui, C-K-R-L. C-K-R-L. C comme Caroline. R comme Roger. Non, c'est quand. Hey, voyons donc, toi, vas-y. Sorry. Hey, voyons. Moi, mon anglais, je connais mon anglais, là, t'as peu, c'est sorry. Sorry, désolé. Qui chante ça, là? Sorry, ah, c'est Arthur H. Et c'est. C'est Raymond. Oh, yeah. C'est Riman, moi je viens d'un pays chaud. C'est Riman, non Riman, non limonade. C'est Riman. Excusez-moi, mais moi la limonade, je la veux sucrée, plus qu'elle est artificielle. Citron avec un peu de sucre, là, ça fait pas de la limonade. Ah non, il y a des grandes compagnies qui font ça mieux que ça. Là. En tout cas. Ok, mon imitation de. Excusez-moi, je suis parti de la limonade jusqu'à ça. Je parle vite, hein. C'est ça les verbomoteurs. Les verbaux, démotorisez-vous, s'il vous plaît. Au moins pour l'émission transcanadienne. Et là, je parle de Rénal Gagné, qui n'est pas là comme d'habitude. Mais c'est des personnages qui rentrent en lui. Il est comme assisté des Ramones. Bon. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Ah, OK, oui, Frank Zappa. C'est l'email, l'autre. Let's make the water turn black. Je pense que la chanson s'appelle « Are you a best » il y a un tiret « The Orange Country Lou ». Puis là, la version, parce que j'ai pris mon Google français, c'est Frank Zappa, ça reste en anglais-français, Frank Zappa, c'est Frank Zappa, hein. Ah oui, c'est « Faisons que l'eau devienne noire ». OK, « Let's make the water turn black ».« Faisons que l'eau devienne noire ». Tant mieux. Et puis, « Harry, tu es une bête ». Hein? Puis ça reste un peu bizarre, hein? Ça n'a même pas été traduit de Orange Country Lou. Moi, j'aurais dit l'orange, la ville orange Lou. Mais là, il y a 3 points de suspension, donc ça continue. Mais là, je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai pas eu le temps de faire des recherches. Puis si je regarde sur ma liste, bien sûr, parce que je sais très bien ce que je diffuse, mais je regarde pas ça tout le temps. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Attendez un petit peu. Ouais, le titre est tellement long qu'à un moment donné, ça s'étire, et puis c'est comme la tire, hein? Ça pète quand c'est gelé, ou ça pète quand c'est froid. En parlant de gelé, avez-vous entendu la chanson de Frank Zappa qui s'appelle Mister, ouais, je vous le savez, vous autres, je sais, vous le criez, ouais, Mister Muffin. Hey, Mister Muffin. Entre vous, moi, puis Frank, ah, OK, ouais, attends un peu. You can do what the one volume 1. Ah, OK, c'est plusieurs volumes. OK, mais ils en disent pas plus, Madame Thibodeau. Non. Appelez pas la police, là, ils vous en diront pas plus. Frank Zappa, je pense pas qu'ils connaissent ça. Ça dépend où, là, mais non. Sauf pour les... Non, pour les gens, les connaisseurs de musique. Parce que on peut dire que Frank Zappa et la musique actuelle, il se place dans tellement de créneaux, le rock, musique actuelle, progressive, classique même, quelquefois classique. Il a fait à la fin de sa vie, là, quelques années avant sa fin, parce qu'il est mort, mais un artiste ne meurt jamais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, OK. Oui, on se lance, sans filet comme d'habitude. Quoique, avec un filet de voix, on peut se tenir partout. Oh, le filet de voix. Ouais, c'est Ching. Vous écoutez, c'est KRL. Moi, je l'avais avant. C'est comme... Québec. Non, c'est, ça prend un cul. Ouais, ça commence par un cul, puis ça finit par un bec. Sorry. OK, je recommence. Mon nom est Jane Birkin. C'est comme... Camarade. Oui. C'est K... Karate. Oui, R... Reynolds. Oh, Reynolds. Alors, dis-moi le... Reynolds. Reynolds. Le fafaron sur sa... Non, j'allais dire sur son balcon, mais... Ça peut... Le... Comment t'appelles ça, donc? Il y a une mare, puis... oui. La feuille, ça... Oui. Ah, mon Dieu, quelle imbécile que je suis. Parce que là, quand... si je m'écoute plus tard, là, je... ben oui, c'est ça. C'est on appelle ça de même, mais toi, tu t'en souvenais pas, là. Mais non, mais écoutez, je suis devant le feu de la gloire actuellement, là. Tous les projecteurs sont rivés sur moi, même si c'est de la radio. Un nénuphar. Ben, merci, madame. Nénuphar. Parce qu'elle a regardé en accéléré des matins de la grenouille. D'accord. Alors, on y va avec la grenouille. Non, pas le... Non, la grenouille, la chanson. Sur une fa... Hein? Inufar. Sur un inufar. Ouais. La grenouille attend. Les yeux en 180 degrés. La langue prête à s'étirer jusqu'à la mouche. Puis même si elle se trouve à Tombouctou, croyez-moi qu'elle va l'étirer pour la ramener à elle, histoire de manger au moins un petit quelque chose avant qu'elle parte pour l'hiver. Parce que la grenouille en aura le bol, il n'y avait rien autour d'elle. Puis c'est sa belle-sœur sur son cellulaire qui l'a appelée et dit « Hey, moi j'en ai mangé une bonne, hein? Va au sud-ouest avec ta langue, là. Okay? Arrête de zuter tout de travers, là. Enligne-toi, OK? Va te faire le GPS, grenouille. » Monte le son, notre vétéran, là. Monte le son. Alors là, t'as eu la captation un peu, la position. Tu l'as, la position? On vient de la faire, là. Voyons donc. OK, autrement, plus courte. OK, on te la refait, mais plus courte. Mais là, essaye de te concentrer l'œil, l'iris. Puis quand tu vas te projeter, là, mets pas tes yeux croches, là. Mets tes yeux en parallèle à tout ça. OK? On y va. La vois-tu, la mouche? C'est une grosse mouche, hein? C'est une mouche à merde. En plus, elle est juteuse, tu vas voir. Ouais, ça goûte un peu au début. Oui, c'est comme les andouillettes. Ça dépend comment c'est préparé, mais elle t'attend. Tu vois, elle a mis son petit bikini, la grosse mouche. Ah, oh, la grosse mouche à merde. Ah! T'as vois pas? OK, c'est pas grave. Là, je vois ta position. Tu es prête. À go, tu l'étires. Ta langue. OK? Un. Deux. Trois. Voici! too late. Just don't make up your mind. Don't try to fool me in the blind. The flag was red and white. On vous a appelé. Hein? Non. Ben, c'est certain que ma voix tremblote, là. Il est encore là. Moi, je suis dans la garde-robe. Mais il n'y a pas de robe dedans. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça. Parce que je devrais appeler ça une garde. Une garde malade. Parce que ça me rend malade. Mais pas la garde malade qui nous aide à guérir, mais la garde malade dans laquelle où je suis enfermé, je me sens malade. Mais on pourrait aussi appeler ça la garde à slip. Il y a de la slip là, il y a du slip là-dedans, il y a du slip. Ah mon dieu. Puis il y a aussi des soutiens, genre, il y en a de la soutien. Je pense que ça doit être une danseuse exotique qui est tombée dans un bain-marie. Oui. Amen. Amène-la, amène-la, amène-la. Non, non, mais je suis coincé. Non, mais j'ai peur. J'ai peur parce que je crois bien que. Elle est là, dans l'appartement. Puis elle pense que je suis méchant. Mais moi, c'est pas de ma faute, là. Mais je suis un somnambule. Sa porte... OK, moi, te raconter rapidement. Sa porte était ouverte. OK? Elle reste au premier étage. Moi, je suis somnambule. Je reste à côté. Je me suis réveillé. Je me suis levé. Je me suis pas réveillé, je suis somnambule. Je me suis levé. Excuse-moi, je suis énervé. Je me suis levé. OK? Là... Je suis sorti de chez moi. Puis la porte, moi aussi, j'ai une porte patio comme elle. Je suis sorti. Puis là, à un moment donné, il y a une voiture qui a passé. Il y avait les phares allumés. Ça m'a ébloui. Donc, je me suis comme semi-réveillé. Et là, je croyais rentrer chez moi. Et c'était pas là. Puis la disposition n'est pas comme chez nous, hein, dans mon appartement. Donc, je suis arrivé dans sa garde à slip. Ou sa garde à sous-vêtements. Puis là, ben, elle vient d'entrer, puis j'ai peur de sortir parce qu'elle va penser peut-être que moi, je suis là depuis longtemps, puis que je l'examine, puis que je suis un méchant. Je suis juste un somnambule, moi. J'ai rien fait pour arriver là. Fait que là, vous pouvez voir, la police, pas pour... Non, il n'y a rien de grave. Moi, je suis pas un criminel, moi. Je suis un simple somnambule. J'ai de la misère à dormir demain. Je me réveille, il y a des phares qui arrivent, je pense dormir, arriver chez moi, c'est pas chez moi, je rentre dans la garde à slip ou dans la garde à soutien-gorge, puis là, elle arrive, puis là, j'ai peur qu'elle pense que je veux la tuer, ou la tuer, je sais, monsieur, madame, je suis un simple citoyen, ah mon dieu, je mange ma mayonnaise avec mon poulet, je prends ma salade, là, ma salade à moi, là, je prends pas la traditionnelle, je prends la crémeuse, ça prouve que je suis un bon citoyen, moi. Ma poutine, là, je rajoute du steak à chier dedans parce que c'est plus nutritif. Je suis pas un mauvais citoyen, moi. Hein, pardon, c'est pas une blague. Passez sur le moyen, hey! Est-ce que vous pouvez savoir avec le GPS à quel endroit je me trouve? C'est pas aussi précis que ça, voyons. Ah, parce que mon appartement, ben oui, je suis à côté d'elle, ben oui. Ben à côté d'elle, pas maintenant, mais oui, normalement. Fait que là, il va se... OK. si je sors, là, puis qu'elle vous appelle, allez-vous faire un lien? J'y toucherai pas, moi, là. Je vais juste sortir sur le bout des pieds. J'ai déjà appris à danser avec Fred Asperge. Le grand Fred Asperge, le danseur, là, américain, états-unien, pas américain, états-unien, mais quoi que l'États-Unis, c'est des Amériques, mais on est des Américains aussi. Mais pas des États-Unis. Non, on est des, oui, des Américains du Québec, francophones. Mais là, je suis pas ici pour vous faire l'histoire de ma vie, puis pour vous amener mon drapeau du Québec, parce que c'est pas le moment. Quoique, si je passe à la télévision, là, je vais vous dire que vous étiez génial. Votre nom, madame? Georgette Wanwick. McNeil, Georgette McNeil. Excusez-moi, non, mais j'ai l'air de... Non, mais là, je reprends un peu. OK, mais si je sors à l'extérieur, vous avez un appel, OK, ça se peut que ce ne soit pas vous qui répondiez. Ah, mon Dieu, mais vous pouvez pas laisser une note crier à tout le monde. Attention, si quelqu'un appelle, c'est un bagarre. Vous pouvez pas faire ça, vous. Ah, OK, alors, je vais sortir. Oui. Amérisque et sénile. Je vais devenir fou jusqu'à la fin de mes jours, là. OK. Madame, vous êtes extraordinaire, OK. Vous méritez votre métier. Je veux pas que... Non, jamais je vais... Oui, je sais que c'est enregistré, là. Devant public. Ah, mon... Vous avez un public? OK, c'est votre employeur, OK. Bon. D'accord. Alors, je vais sortir. Les bras en l'air. Puis l'autre en bas. Non, parce que non, les mains vont être en l'air, mais pour montrer que je suis pas excité, tout va être en bas. Ouais, mais à mon âge, tout descend. Hein? Puis ouais. Mais non, mais elle est très coquette. Mais non, je suis pas. Non, je dis ça comme ça, là, parce que bon. Alors je sors. Alors je raccroche. Ah, vous voulez que je reste en ligne? OK. OK. D'accord. Vous êtes flamboyant. Flamboyante, ah oui, comment j'appelle ça, je ne sais pas, moi, FFL, mais je ne suis pas à l'école d'écriture, moi, là. Je suis ici parce que je vis un mauvais moment. Maman? Ah, est décédée, maman. Ah oui, elle est décédée. Ah, ça a souffert, sa femme-là. Ah, ça a souffert. Ah, triple démence, Alzheimer, ça a souffert. Ah, mon Dieu. Pardon? Oui, je vais sortir. Ah oui, je sors comme un poisson. À l'extérieur du bocal. J'espère de pas trop frétiller. C'est presque de l'humour. Ouais, mais hey, en passant, là, madame, si vous pouvez faire une petite recherche sur vos internets, je vais me nommer, j'ai oublié de me nommer. Comment ça va? Normalement, vous devez demander qui parle, puis. Ben, c'est Rénal Gagné. C'est mieux, mais il y avait de même. Hein? C'est Rénal Gagné. Rénal. R-A-Y-R. Allez sur Google, là, tapez Rénal, R-A-Y-N-A-L-D, espace, gagné, G-A-G-N-E, accent aigu, espace, C-K-R-L. Pas besoin de belle C-K-R-L, d'une seule traite, même si on ne l'écrit pas de même, C-K-R-L. Bon, c'est même pas C.K.A. Non, ça, allez-y. Errance Renadienne, mais son achat, c'est moi, madame, qui ai pris là-dedans. C'est drôle. Ouais, vous me connaissez. Ah, vous m'écoutez. Là, vous êtes... Bon, vous comprenez, là. Alors, allez voir... Vous allez envoyer votre beau-frère pour un autographe. Je pense que c'est pas le moment, là. Je vais sortir. Oui. Puis les autographes, ben, quand ce sera le Radio-Ton, ça va vous faire plaisir, OK? D'accord. Alors, j'y vais. Puis je décroche, parce que je décroche dans tous les sens du terme. Hein? Pardon? J'ai voulu du sperme? Non. Ben, madame... Appelez pas la police, là, vous êtes déjà dans... Ah, mon Dieu, hein? Bon, vous savez, Harry, Harry. Hey, moi, je mougerai pas. Moi, je serai à l'envers, là. Ça, le synonyme de... L'antonyme de rire, c'est pleurer. Oui. Moi, j'ai pas l'air de vouloir pleurer, là, parce qu'on dirait que je reprends un peu. Tu sais, je dormais, j'étais comme dans un... Vous voyez, un sommeil profond. Puis là, je me suis réveillé, là, je suis en pleinement, oui. Mon numéro d'assurance sociale. Ma carte... Moi, ma carte de crédit, ben, je vais vous la dire. Oui, 445-30-22-26. Pourquoi vous me demandez ça? Oui. C'est curieux. Non, là, j'arrête tout, je raccroche et puis je sors. OK. Ah, maintenant, la mode avec Carole Bijelman. Alors, laissons-lui la place, elle et ses stagiaires. Ladies and gentlemen, direct from H-Town, a handsome Houstonian with crystal clear blue eyes like the Texas sunny sky, Mr. Wilhelm Van Horn of the Pedal Steel joining us tonight. Thank you so much, Austin, Texas. We are Krungbin from Houston, Texas, and we are in Texas. And this is Texas. And we love y'all so very, very much. Thanks for coming out. We'll see y'all next time. Mais pourquoi le rétro? Non, c'est, au début, c'était pas du rétro, ce que je sais pas rétro. Au début, c'est je vais chiner des pièces, trouver des pièces n'importe où, sur des déballages, des marchés, des n'importe quoi, dans la rue. Trouver des trucs parce que j'avais ce talent-là, et je l'ai toujours. Donc, tchac, tchac, sortir des pièces d'un tas. Et de le modifier. Et non, j'essayais pas de le modifier, je l'essayais de le restaurer en tout cas. L'améliorer pour qu'il soit portable, si troué, si abîmé à l'époque, voilà. Et puis de le vendre. Donc voilà. Et puis ensuite, quand j'ai fait la mode, après j'ai réouvert. Je me suis dit bon, la mode, ça y est, c'est terminé. C'était voilà. Et puis j'ai continué de chiner. Quand j'ai réouvert, ça fait 8 ans maintenant ou 10 ans que je refais du vintage. Pardon. Ça a évolué aussi, hein. Ça a évolué vraiment, vraiment. Rapidement ou Tranquillement. Le premier temps, c'était tout mélangé, c'était le bordel, c'était que de la couleur, c'était... Mais là, tu vérifiais, là, tu t'as fait. Ouais, et petit à petit, mon goût s'est affiné, j'ai fait des choix aussi. J'ai fait des choix éthiques ou non, des choix voilà, personnels. Et du coup, maintenant, je fais plutôt, c'est plutôt designer, créateur de luxe, tu vois. Enfin, un peu, c'est plus luxe qu'avant, quoi, en tout cas. Mais le luxe, tu veux dire, les matières sont nobles, plus nobles. Les matières sont nobles, les designers sont nobles aussi. OK. Tu vois, je vends chez moi du Hermès, Dior, Saint-Laurent, des trucs que j'aime, des années 70, autres. Est-ce que tu peux avoir une carafe d'eau avec quelques glaçons? Est-ce que toutes ces... Ça va les filles? Oui, très bien. Est-ce que toutes ces choses rétro-là te ramènent aussi à une musique rétro? Étais-tu rétro avant? Écoutais-tu Janis Joplin, Jimi Hendrix? Ouais, mais pas que. Non, mais moi-même. Pas que. Moi, j'aime la musique du monde. OK. Ah ben oui. Ben oui, à voyager partout. Oui, voilà. Ouais. Moi, je suis pas... j'aime bien la musique. J'adore Janis Joplin et autres. Mais je suis plus à écouter des trucs actuels de partout. Ouais. J'ai pas un goût de musique pointue, tu vois, je m'en fous un peu. Mais la musique des années 50, ouais, oui, il y a des trucs que j'aime bien, mais enfin ça fait pas. C'est pas ça ce que j'écoute, hein. Non. Ouais, ouais. C'est des sons, des bruits. Oui, moi j'aime les sons. C'est vrai, ouais, les croquettes. Moi j'aime bien les sons, les bruits, j'aime bien les trucs. Ouais, voilà. Qui sortent du commun. Ouais, j'aime bien les trucs. Puis comme j'ai habité à Ibiza longtemps aussi, j'aime bien aussi le côté musique interplanétaire. La musique du monde. La musique, tu vois, qui voilà, qui te fait rêver, je sais pas. Enfin. Voilà. Comment as-tu choisi tes stagiaires? Non, mais c'est la question. Comment ça se passe? Alors, puis pourquoi des stagiaires? Parce que tu veux les former, tu veux leur donner... Moi, je partage vachement avec mes stagiaires. J'aime bien l'idée qu'on partage. Elles le savent, c'est le premier truc que je dis quand je les embauche. C'est que moi, je vais donner ce que je sais, mais elles aussi, elles doivent me donner ce qu'elles savent. OK, parce qu'elles font des écoles. Elles font dans des écoles diverses. Voilà. Et donc, ce qu'elles savent et que je ne sais pas, elles vont me l'apporter. Ah, et puis moi, je vais leur montrer ce que je sais de la mode et tout. Ce que tu as appris sur le terrain. Ce que j'ai appris. Carole, ce que je sais. Le jour de l'entretien, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne, Maria ?» Ah vous oui. Vous m'avez dit oui. Et ça m'a marqué que vous m'ayez posé cette question. Enfin, parce que pour mes précédents stages, on ne m'avait pas forcément demandé. Ah et oui. Vous m'avez demandé « Qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne ?» Ah oui, qu'est-ce que je pourrais t'apprendre ? Ouais. Il y a eu vraiment cette question. Et puis, qu'est-ce que tu as répondu ? Un peu plus. En fait, Carole, c'est une bible de la mode. Tu lui demandes une étiquette, un créateur, une pièce. Une année, elle te répond de suite, quoi. Alors, c'est un dictionnaire. Ouais. Non. Non, une bible. C'est plus sacré, c'est plus sacré. Non, mais c'est bien parce qu'on sent l'osmose. Ah ouais, à moi. Tu les aimes. Puis... Ah ouais, je les kiffe, mes stagiaires. Ah non, vraiment. Mais, oui, mais comment tu les trouves? Est-ce qu'ils viennent? Elles me trouvent souvent. Okay. Toi, tu m'as trouvé et toi, tu m'as trouvé. Ah oui, OK. Et toi, tu m'as trouvé, je sais pas comment. Ah ouais, sur un site qui répertoriait plein de petites boutiques, de petites marques, de petits créateurs. Ah bon? Je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais moi, j'ai trouvé Carole sur Fashion Job. Elle m'a trouvé sur Fashion Job alors que je n'y étais plus. Mais je pense que votre annonce, vous l'avez laissée. Ah, t'as oublié de le supprimer. Ouais, j'ai oublié de supprimer mon annonce et elle m'a trouvé. Je dis, mais non, je suis plus sur Fashion Job. Si, elle me dit, je dis, mais c'est pas possible, ça faisait 3 semaines que j'y étais plus, quoi. Ah, 3 semaines, c'est possible, c'est pas 2 ans. Donc, Voilà. Et du coup, et après, moi, j'aime bien, comme dans la mode, comme dans tout, j'aime bien que je regarde les gens dans les yeux et je vois si ça se passe ou pas, quoi. Si ça se passe ou pas, quoi. We'll be right back. c'est parce... surtout les filles, hein? Est-ce que beaucoup de... Non, dans... j'ai eu des gars aussi. Okay. Est-ce que tu es assez honnête pour dire, ben, il me semble que ça, c'est pas ta place? De quoi? Tu rencontres quelqu'un... Ah oui, oui, oui, ça m'est arrivé. Et puis comment tu l'annonces? Tu es aussi direct que... Non, je suis gentille, je dis, bah désolé, ça marche pas, c'est pas... Enfin voilà, non, c'est simple, hein. Et tu as combien de stagiaires? Une par une. Okay. Une par une. Là, il y a deux parce que c'est juillet et que j'ai du travail. Coméline, elle n'est plus ma stagiaire. Je l'emploie maintenant régulièrement quand elle vient à Paris. Oui, parce qu'elle est toujours en Belgique. Oui, exactement. Ben oui, je connais sa vie. Non, c'est parce qu'elle me l'a raconté tout à l'heure. Bon, ben, c'est bien. Bon, donc, voilà. Ouais. Et donc, le vintage, c'est quelque chose en plus que tout le monde revient. Ah, bah ouais. Ouais. Tout le monde. Ça a toujours été, mais, oui, c'est ça, mais là, on en parle parce que. Il y a une envie. Parce que c'est un peu aussi politique, je pense. C'est-à-dire que. C'est politique. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, je pense que c'est parce que. Il y a le côté. Recycler, faire du bien à la planète. Il y a ce côté un peu politique pour certains. Ouais. Pas pour moi, hein, mais pour les politiques, justement. Ouais, ouais. Et donc, ils ont. Ça paraît mieux. Ça paraît mieux. Ouais, ouais. Et c'est ce que t'as, c'est ce qu'on t'inculque dans les écoles? Plus ou moins. Je pense que ça dépend des écoles. Je pense que c'est pas assez, justement, mis en avant. Okay. Pour le problème que c'est, et surtout le fait de former des gens qui vont travailler là-dedans. Mais je pense que la jeunesse s'informe par eux-mêmes et sont conscients en fait du monde qui les entoure. Donc j'espère que ça va peut-être changer et que ça va justement aller vers quelque chose de plus éthique. Après, je pense que les écoles pourraient faire plus quand même. Ah ouais? Je pense, ouais. Bah, dans les écoles de mode, ils essayent quand même. Bah ça dépend en fait, ça dépend. Moi, pas tellement, dans les écoles de mode, ouais, ils sont obligés d'acheter des tissus. Ouais. Ouais, après, ils proposent pas de recycler les tissus. Si, mais je trouve que justement, ils nous incitent pas assez. Ils nous disent débrouillez-vous. Si on leur propose, ils sont hyper contents. Si on leur propose pas, bah tant pis quoi. Ouais. Après, je pense que ça dépend des écoles aussi. C'est culturel, générationnel peut-être aussi. Ouais. Je sais pas, moi je me souviens que même quand je faisais mes. Quand j'étais styliste. J'allais acheter pour faire... Bah c'est un tout, hein. C'est des économies d'énergie, ça veut dire, et des économies financières. Moi, j'allais dans les quartiers où je savais que tous les potes de mon père, ils sont revendeurs de tissus de luxe. J'allais acheter mes tissus de luxe parce que c'était des fins de rouleau de chez Saint-Laurent, de chez Balenciaga, de chez Balmain. Moi, je prenais toutes les fins de rouleau, moi. Moi, au début, je prenais toutes les fins de rouleau. Après, en Asie, j'achetais des cotons. Mais quand je faisais toutes mes collections à Paris, j'achetais pas beaucoup de tissus neufs. Hein. J'allais dans le sentier, là, dans le deuxième, et j'achetais tous les coupons. Alors, c'est vrai que du coup, ça faisait un peu des séries limitées. Alors, j'étais obligée de dire aux clients, séries limitées. Non, c'était pareil. Mais c'est rigolo, quoi. Mais... Ouais, moi j'ai toujours fait ça. Mais ça marchait pas à Paris. Ça marchait pas. Tu peux pas faire ça. Et tu te rends compte très vite que si tu fais ça, tu peux pas te développer. Tu peux pas te développer. Et c'est pour ça que je me suis jamais développée. Mais ça peut changer. C'est encore la même chose. C'est toujours la même chose. Si tu veux, parce que par exemple, je sais pas moi, Sandro. Sandro, il est obligé de faire les salons du prêt-à-porter pour pouvoir vendre ses collections à l'international, pour les vendre ailleurs. Du coup, s'il achète des petits rouleaux, je sais pas moi, 100 mètres, 150 mètres, il va faire 50 pièces. Mais après, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait le reste? Lui, il va avoir 2000 pièces en commande. Il en a que 50 là, avec son échantillon. Donc, il ne peut pas faire ça. Donc, si tu veux vraiment gagner de l'argent, c'est-à-dire, tu es obligé d'avoir ta matière première. Tu vois, il faut que tu en aies. Il faut que tu puisses passer un coup de fil. Je voudrais 200 mètres, 300 mètres, la même couleur, le même bain, le même. Mais si tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas te développer. Voilà. Donc, tu sais que les gens qui cartonnent comme cela, c'est des gens qui ne font pas du développement durable. Hein. Il y a moins d'éthique. Non. Tu poses sur c'est comme ça. Après, ils peuvent aussi, pourraient décider, comme je l'avais fait, de dire, tiens, bah, nous, on va faire des séries. Moi, j'avais monté tout un truc en me disant, c'est pas grave, je vais faire que des séries limitées. Dans l'air du temps. Non, mais toi, tu étais écologiste avant le temps, parce que si tu as abandonné, c'est parce que tu voulais plus jeter, tu voulais plus... Non, je voulais plus acheter de matière propre, de tissu. Donc, c'est ça, tu étais écologique avant tout le monde. Mais je l'ai toujours été, je crois. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a... Parce que j'étais pauvre. Oui. Non, mais c'est ton père aussi qui t'a... Oui, c'est mon père, mais c'est pauvre. Aussi, oui, aussi, respect. Mais parce que t'es pauvre et que tu sais que t'as un moyen de survie et d'être élégant et d'être... de bien manger. Ici, tu peux bien manger, être beau, bien t'habiller, pour pas cher, hein. Très très peu cher. Hein. Donc voilà, tu peux aller glaner à la fin du marché, hein. Ton marché là, les fruits et légumes. Tu peux avoir une caisse de 10 kilos, hein, si tu veux, à la fin du marché, gratos. Hein. Donc on meurt pas de faim ici, en fait. Voilà. Et les vêtements, c'est pareil. Il faut juste le savoir. Bon, ça va. Quand t'es en survie, t'es en survie, hein, je t'explique. Hein. Mais ton côté vintage, tu l'as mis de l'avant après avoir fermé boutique, parce que tu... Ouais. Puis qu'est-ce que tu trouvais de bon contrairement à l'autre? C'est que tu jetais moins, tu vendais plus et ça coûtait moins cher pour faire plus de profit. Le vintage? Oui. Non, c'était plus facile. c'est beaucoup plus facile à vivre. Dans ton quotidien, c'est génial. C'est facile. D'être comme ça, de faire des collections, de ta-ta-ta, toute la mise en place, de tu dessines, tu dois trouver tes tissus, tu dois trouver tes fermetures éclair, tes boutons qui vont, tes élastiques, tes rubans, ouais. Tu vois. Ensuite, quand tu les as, nanana, faut que tu montes tes pièces, faut que tu fasses ton patronage. Faut que tu montes une pièce, faut que tu montes ta collection. Donc ça va te prendre 2 mois. Ensuite, il faut la vendre. Si t'as pas de boutique, faut faire les salons. Faut sortir encore du pognon. C'est, je sais pas combien ça coûte maintenant, mais c'est faire un salon, c'est, je sais pas, 3 000, 5 000 euros un salon pour 2-3 jours, voilà. Après, faut commander. Oui. Les gens ils commandent. J'en veux 2, 3, tu perds ton temps. J'en veux 2, j'en veux 1. J'en veux 2, j'en veux 1, j'en veux 3. Tu vois ? Et à la fin, tu as eu 50 commandes peut-être. Et puis tu dois encore travailler, faire de la comptabilité. Combien j'en ai ? Combien j'en ai ? Combien ? Après, il faut que tu commandes ton tissu. Combien de mètres pour cette veste, ce manteau, cette jupe, cette... Tac, tac, tu vas, tu cours. Ah, les boutons. Ah, j'avais oublié les boutons. Ah, j'ai plus de zip. Ah, j'ai plus d'élastique. Non, c'est horrible. Hein? Mais c'est... En fait, tu as choisi le côté un peu plus simple. Moi, j'ai choisi la liberté. En fait. C'est ça ce que je me suis dit. Quand j'ai décidé. Et depuis le début jusqu'à maintenant, est-ce que tu as senti une progression? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que tu as eu une idéologie qui s'est forgée derrière ça? J'ai l'impression que oui, oui, j'ai changé. Oui, ça a évolué. Maintenant, j'ai vieilli aussi. Donc, je suis plus calme, plus sage. Plus sereine. Plus sereine. Et peut-être que mes goûts aussi ont changé. Je suis un peu moins trash qu'avant. Voilà, ça s'est apaisé. Oui, ça s'est apaisé, mais c'est normal. Hein. Quand t'as 20 ans, t'as 30 ans, t'as 40 ans, t'as 50 ans, t'as 60 ans, je veux dire, voilà quoi. Enfin, c'est normal, c'est la vie. Hein. Mais est-ce que tu retournes des fois en arrière et tu regardes ce que t'étais plus corrosive, plus, comme tu disais, plus extravagante? Et... Avant? Oui. Ah bah oui, peut-être. Oui. Mon caractère, il est toujours le même, mais je suis plus tolérante, je pense. Je suis plus souple. Oui. Forcément, enfin, j'espère. J'espère qu'en vieillissant, on devient plus cool. Enfin, mais on devient... ce qu'on peut dire, c'est que ce que tu vis aussi aujourd'hui, c'est le plaisir de transmettre. C'est pas juste le fait de créer, c'est de transmettre aux autres. Ouais, aussi. Pas à tout le monde, hein. Je choisis. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ah c'est ça qui est bien. Ah non, je donne pas à tout le monde. Ah non. Ah non, je partage pas comme ça. Hein. Parce que c'est fatigant aussi. Ah non, je partage pas comme ça. Hein. Ah non, je te promets. Non, j'ai pas envie. La vérité, j'ai pas envie. Mais j'ai pas envie de partager. Non. Mais tous les savoirs d'une vie. Ouais. Enfin, c'est toute ma vie. J'ai pas partagé comme ça, quoi. Oui. Non, je sais pas. On choisit. Oui. Parce que ça demande beaucoup d'énergie aussi. Non. Non. C'est un plaisir. Ouais. Non, ça me demande pas d'énergie. J'aime bien qu'on pose des questions. J'aime bien partager. Hein. L'autre fois, je sais plus, on regardait un truc. Tac, on savait pas. Allez, on regarde sur Internet. On sait, on regarde. On Alors, comprend. Vous êtes en plein apprentissage, les. Tous, mais moi aussi. Oui, oui, oui. Alors, on n'arrête jamais d'apprendre. Non, jamais. Ça a été rapide. Ouais. Mais quand vous êtes ensemble, est-ce que vous êtes comme en discussion constante avec... Oui? Je sais pas, ouais. Arrivez-vous à des consensus ou si c'est des différences qui font en sorte qu'on peut creuser plus la discussion? Parce que s'il y a un consensus, ça se termine, c'était... On pense à autre chose. Mais l'autre a son grain de sel. Ouais. I'm telling you. Oui, on échange, oui, on échange. Hier, nous deux, on n'était pas trop pour une certaine tenue pour une vidéo. Oui, c'est ça. Et Carole, vous nous avez écouté pour le truc de la poubelle. Enfin, il y a eu une discussion, ouais. Oui, oui, ouais. Mais c'est toujours aimable. C'est, ah oui. Ça vire. Oui. Non, mais des fois, ça peut... on peut s'enflammer. Bah, oui, on peut... Non. Ah, moi, je peux... Oui, oui, moi, je pourrais m'enflammer. Hein. Je pourrais m'enflammer. Je pourrais être mécontente aussi, ça peut m'arriver, mais je le dis. Quand je suis pas contente, je le dis. Comme ça, c'est dit. On passe à autre chose. Ouais, ça libère, c'est exactement. Voilà, c'est fini. Non, c'est simple. Hein. C'est très simple. Et puis, qu'est-ce que ça vous a amené de travailler avec Carole? Qu'est-ce que ça vous amène encore au présent? Allez-y, chacun. Une aisance en plus. Parce qu'il y a un côté un peu... je pense que notre écart générationnel avec Carole, ça nous donne plein de conseils un peu en mode maman, savoir-vivre, pour que ce soit le côté business, ou nous, comment nous comporter avec les clients. Donc il y a toute cette partie pour nous améliorer en tant qu'être humain. Et après, il y a cette partie connaissance mode, très pointue, très précise. Donc c'est vraiment nous accompagner et nous aider à grandir. En nous apportant des connaissances mode. Moi je le sens comme ça. C'est pour que j'ai du plaisir à bosser avec vous. Ah ouais. Enfin, vous nous donnez des conseils à longueur de journée, c'est chouette. Ah ouais, mais je fais pas trop maman quand même. Non, mais c'est vrai que c'est une histoire humaine. Oui, il y a des sentiments qui rentrent en jeu dans cette relation. Ah oui, c'est ça. C'est pas juste le cartésianisme, l'argent, il y a les sentiments. Oui. Mais je pense que c'est important parce que du coup, c'est ça qui rend le travail hyper plaisant. Ouais, voilà, c'est ça qui fait qu'on a oui, puis qu'on a envie de d'apprendre, de savoir, d'améliorer, de faire mieux. Moi aussi, j'apprends avec elle, en fait. Et est-ce que les stagiaires, une fois qu'ils sont partis, reviennent te voir, avec toi? Bah elle, oui, Méline, mais il y en a plein. Moi, je déjeune avec toutes mes anciennes stagiaires. Et... De temps en temps, il y en a une qui m'appelle. Ah, je suis dans ton quartier, on déjeune. Ah ouais, ça arrive tout le temps. Puis tu regardes aussi leur cheminement. Ouais, j'aime bien. Et tu sortais souvent de certains cheminements de... Non. Les filles, en général, elles assurent tout le temps, quoi. J'ai pas de relation avec tout le monde, mais les quelques-unes avec qui, tu vois, avec qui ça se fait. Mais je les vois pas toutes, mais en tout cas, je sais que de temps en temps, sur Instagram, une ancienne stagiaire, tu vois, elle m'envoie un message. Reçois-tu des messages, en parlant de messages, d'anciennes stagiaires pour juste savoir qu'on sonne cloche sur quelque chose? Oui, c'est arrivé, c'était cet hiver, un très ancien stagiaire, un garçon justement, qui était en train de monter une pièce de théâtre avec un groupe, je ne sais plus quel théâtre, et il avait besoin de mes conseils, en tout cas de mon regard, enfin il voulait que je lui donne, que je lui apporte de l'aide, par rapport, lui il était le styliste donc de cette pièce de théâtre, et il avait besoin que je valide entre guillemets, tu vois, voilà. Il vivait un peu des incertitudes qu'il voulait que tu... Ouais, il voulait un petit peu, tu vois. Donc, il m'a dit, est-ce que je peux venir avec mon équipe? Donc, ils étaient plusieurs stylistes. Tac, et voilà, ils sont venus. On a parlé pendant une heure ou deux. Voilà. Non, c'était très éloquent. C'était très sympa, franchement. Ouais. Et ben, j'étais contente de le voir aussi, Jonathan. C'était sympa. Ouais. Et on a bien échangé. Et du coup, il était content. Il est reparti là, hyper contente. Les deux autres assistantes étaient contentes aussi. Elles avaient fait deux, trois petites erreurs, mais c'est parfois, ça se voit pas dans une pièce de théâtre. Hein. Enfin, tu vois pas toujours. Elle l'a évoqué un peu. C'est un peu tes enfants. Non, il n'y a pas de hiérarchie comme ça, non? Non. C'est des complices, non, vous êtes des complices. Non, il n'y a pas de hiérarchie parce qu'il y a un méga respect. Non, il n'y a pas, moi je ne me sens pas la madrée. Il hein. y a un méga respect. Non. Carole, elle nous respecte beaucoup et donc ça, ça nous donne envie de... Enfin, nous, on vous respecte énormément dans votre travail, donc on a envie de toujours bien faire. Pas décevoir. Ouais. Ne jamais décevoir. Non, mais ça, c'est pas grave, ça, on ouais, s'en parce fout. Que ça arrive. Oui, ça, ça arrive. On fait une petite ouais. Une on fait des conneries, c'est pas grave. Non. Non, mais oui, enfin, il y a une belle forme de respect parce que. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on fait des. Ouais, qu'il y a une bonne relation. Ouais. Ouais. Et que du coup, on fait des belles choses aussi parce que. Sans avoir le truc de peur de décevoir. Enfin, on n'a pas peur, on s'en fiche. Ouais. On n'est pas. C'est pas la vie et la mort, là. On peut ouais. faire des erreurs, quoi. Ouais, carrément. Mais on apprend bien tout ensemble. Ouais. Et c'est un cheminement de vie aussi. Oui, ah bah après, oui, je pense que les gens avec qui j'ai travaillé, les stagiaires que j'ai eus, etc., je pense qu'elles ont. Que ça leur a donné un petit truc en plus, ce stage chez moi. Oui, ça, je sais. Tout ça, je pense que ça part de Carole. Ça, je sais. De votre démarche de vouloir nous apprendre des trucs. Enfin, moi, j'ai fait des stages c'est des stages assistants, ben, j'étais vraiment l'assistante. Point barre, quoi. La nana, elle savait ce qu'elle faisait. Et elle n'avait pas besoin de moi, quoi. Enfin, c'était juste une petite main en plus. Alors que là, ça part, enfin, c'est de l'initiative de Carole. Si Carole n'avait pas ce flot de transmettre, ça créerait jamais ce lien, je pense, que ouais. entre les autres stagiaires et tout. Et puis peut-être qu'on progresserait pas de la même manière aussi, non plus. Oui. T'as appris des trucs. Bah carrément. T'as appris des trucs. Oui. Et vu que vous êtes comme ça, vous attirez des gens aussi comme ça. Ouais, bah oui. Voilà. Et toi aussi, tu as appris des trucs. Ah bah évidemment. Non, mais ça coule de source, bien sûr. J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Quoi? J'ai 10 questions. 10 questions de la fin. Et oui, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. C'est des questions assez simples. Par exemple, si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. C'est rigolo. C'est rigolo, ouais, vas-y. Si j'étais un liquide, ouais. Si j'étais un liquide, ouais, je serais une eau pétillante, quoi. Ouais. Ah, je pensais que vous alliez dire kombucha. Ouais, une eau pétillante. Enfin, un truc qui pétille, quoi. Ça, oui. C'est des champignons. Ouais, c'est des champignons, bulles, ouais. C'est un la truc. Mode, hein, c'est fou, tout le monde. Toi, t'en bois parce que c'est oui, nous, moi, j'en bois. Carole, elle en boit tout le temps. Et puis, puis toi non, non, moi, j'aime non. pas trop ça. Non, eux, ils sont chocolat chaud et café ouais. chaud. Non, ah. chocolat, les deux, là. Latte chaud, là. So, yeah. placé. Ah bon. Si tu étais une ville. Si j'étais une ville, bah, je serais Ibiza. Ouais. Ouais. C'est vraiment une école de pensée, c'est une école de... Non, mais c'est, ouais, c'est une manière de vivre, d'être, justement, de respecter, de respect, de tout. Est-ce que tu y vas quelquefois encore? Ah oui, heureusement. Tu te ressources? Oui, je vois mes copains, tout ça. Ben oui, c'est vrai que oui, c'est la clique. Mes copains et mes copines. Si tu étais une langue? Si j'étais une langue, je serais l'espagnol. Ouais. Pourquoi l'espagnol? Parce que j'ai habité aussi en Espagne. Ouais. Et j'adore les Espagnols. C'est le peuple avec lequel je m'entends mieux. Je trouve qu'ils sont gentils, bienveillants. Alors, il y a souvent le fil Ariane qui est entre vous. Il y a une communication, il y a un retour. Tu te sens bien quand tu y vas. Ouais, j'aime bien. Mais les Espagnols, tu vas en Espagne, dans la rue, tout le monde te dit bonjour. Ils ne te connaissent pas, ils te disent bonjour, tu vois. Ouais. Quand tu reviens ici, tu dis bonjour dans la rue à quelqu'un que tu connais pas. Regarde comme ça. Mais dans les villages là-bas, ils te voient arriver. Ah bonjour. Tu vois, normal. À Lausanne, c'est ça aussi. Hein, c'est enfin, je dis Charlotte. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Je dis l'espagnol. Après, ça pourrait être une autre, d'autres. Enfin, il y a d'autres. Hein, tu vois, moi, c'est oui, ça peut être Pushkar en Inde, voilà, ça peut être Pushkar, ça peut être Ibiza, ça peut être, tu vois, une ville d'Espagne. Voilà. Si tu étais une époque? Une époque, je serais dans mon époque. Je serais aujourd'hui. Si tu étais un mot? Un mot? Il n'y a pas de nostalgie, toi? Non. Hein? Nostalgie? Oh non. si j'étais un mot... En tout cas, ça ne serait pas nostalgie. Non. Non, ça ne serait pas nostalgie. Un mot, la paix. Ouais. Effectivement. Surtout avec ce qui se passe actuellement. Moi, ça serait la paix. Laissez-moi tranquille. Si tu étais un aliment. Un quoi? Un aliment. Un aliment. Si j'étais un aliment, je serais. Je serais de la polenta. Si tu étais une saison? Une saison, je serais l'été. Hein, enfin, bon. Si tu devais, ouais, c'est vrai que bon, aujourd'hui c'est un peu nuageux, mais sinon c'est. Ouais, si tu étais un membre corporel? Un membre corporel. Je serais les yeux, hein, je crois. Ouais. Oui. Ouais. Pour voir les textiles. Oui, pour voir, tout simplement. Ouais. Si tu étais un moment de la journée? Un moment de la journée? Oh, je serai le matin, au réveil. Alors, tu te couches tôt et une lève tard? Je me lève tôt. Ok, une lève tôt puis une couche tard. Couche pas trop tard, mais ça va. Faut avoir un petit 8 ans quand même. Ouais, un petit 8 ans. Ouais. Ouais. Si tu étais un autre individu? Un autre individu? Un autre individu, ça veut dire qui? Quoi? Ben, c'est ça. Non, mais un autre individu, genre quoi? Quelqu'un d'autre. C'est ça, exact. Quelqu'un d'autre. Si j'étais quelqu'un d'autre, je serais une danseuse. Classique? Non, je sais pas, n'importe. Danseuse. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? À choisir? Bon, je ferais le même chemin. Parce que je sais pas ce qu'il y a avant, ni après, ni pendant, ni... Je ferais la même chose, puisque je sais pas ce que c'est le reste. Est-ce que tu as beaucoup de rêves? Est-ce que tu as beaucoup de projets? Moi, tous mes rêves deviennent réalité, donc je continue de rêver, en fait. OK. Le rêve devient réalité. Ouais. Avec beaucoup de travail, parce que toi, tu étais... Avec du travail, mais ça va, je suis pas non plus... je suis pas une acharnée, quoi. Enfin... Travail rime avec plaisir, de toute manière. Ouais, avec... voilà, moi, travail, voilà, travail, c'est cool, quoi. Mais le travail, c'est la vie pour toi aussi. Ouais, mais c'est pas la santé, hein. Non, je rigole. Non, mais quand t'as la santé, le travail, c'est la vie tous les jours. Ouais, mais la vie, c'est... Oui, voilà, de toute façon, tu peux pas vivre sans travailler. Ouais. Sinon, tu bouffes pas. Donc après, il faut trouver un travail qui fait que tu vas vivre en travaillant sans voir que tu travailles. Ouais, ben c'est ça, c'est trouver le juste milieu. Voilà. Et en fait, en même temps, toi, tu travailles avec une famille. Ouais. Hein, t'as une famille. Les filles ici font partie un peu de ce noyau-là. Ouais. Donc, c'est comme si tu transportais ta vie personnelle au, travail. Ah oui, c'est la même chose pour moi. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que j'ai pas une vie au travail, j'ai pas un comportement avec les stagiaires, mon comportement il est le même avec elles ou sans elles. Ah, ça change pas, ouais. Non. Non. Ouais. Je suis la même. Merci. Bah de rien. You welcome. Bienvenue, oui. Avez-vous des questions à poser? Avez-vous des questions à me poser? Oui. Non, parce qu'on a eu une interaction pendant l'interview. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'était très, très bien. Oui. Heureusement qu'elles étaient là parce qu'elles te connaissent plus. Ouais. Donc, elles ont creusé davantage. Ouais. Et justement, cette interaction différence qu'on a pu avoir, enfin, je pense que ça représente bien la relation qu'on a. Mm. C'est pas dictateur Carole. Mais comme tu le disais tout à l'heure, ouais. Ouais, ouais. Ben, elle a l'air voyeuse. Ben ouais. Et alors que tu vas faire, tu nous enverras qu'on regarde. Oui, oui, mais en fait, je vous envoie l'horaire de la diffusion. Donc, ça va. Je vais regarder combien de temps on a discuté. Mais c'est quoi, c'est ça? Alors, donc, c'est bien midi ou c'est quoi? C'est quoi? Ça passe comment? Où? Ça passe à CKRL, qui est la première radio communautaire francophone au monde. Ouais. Donc... Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.